24, 28. Observation. Que? Pronom relatif. Le chablis que tu aimes. Le boucher que Madame Courtois a découvert. La crème qu'elle a servie. Les vins que Monsieur Courtois a servis. Que est un pronom relatif. Il remplace des personnes, le boucher, ou des choses, le chablis, la crème. Que est invariable. Il peut représenter un masculin, un boucher, ou un féminin, la crème, un singulier, le chablis, ou un pluriel, les vins. Il y a élision avec que. La crème qu'elle a servie. Que est le complément d'objet direct des verbes aime, a découvert, a servi et a servi.